dans l'air comme l'oiseau. Je survole champs et bois, mais mon vol part en lambeaux, et le sol fonce sur moi. Quel drôle de rêve, je ne sais pas voler. Quel drôle de rêve, je vais m'écraser. Tout est noir, tout est ennemi. Le danger dans le dos me poursuit. Je veux courir, mais je n'avance pas. Je n'ai plus ni jambes ni bras. Quel drôle de rêve, je suis perdu. Quel drôle de rêve, mon corps n'obéit plus. Remplacé par des faces gris qui défilent, des regards d'yeux exorbités. Quel drôle de rêve, qui sont ces gens? Quel drôle de rêve, pourquoi cet air méchant? Drôle de rêve, je ne suis plus moi. Quel drôle de rêve, réveillez-moi.